1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. J'ai 4 sur le point dire que face à leur empire, écrire c'est bien, mais on se doit de réagir. Dans ce pays libre où l'interdiction progresse, ouvre tes yeux pour vivre, tu vois bien que la France régresse. 4 mesures de brève pour briser la brive sans trêve qui enclave le glaive de nos frères aux regards éphémères. Fouille d'un peu plus près le sol que tu foules, ils gisent les fragments d'un rapalo et sa dépouille. 4 mesures pour dire d'ouvrir les yeux en toute logique. 3 comptes à rebours lancés, regarde autour de toi. 2 gauche à droite, c'est la merde, pour rien ne va. 1 en l'air contre les pièges de l'État. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. 300 chroniques 13 pour un seul et même combat. Unissons nos forces pour tous ceux qui baissent les bras. 4 mesures c'est court, alors chaque mot est bien pesé. Ça change des grands discours où rien n'est respecté. En 4 mesures je m'applique en politique. Partout dans l'hexagone c'est situation critique. Engagement artistique, je m'interdis de rester statique. Mort sur chronique au-dessus des chiffres des statistiques. La mort serait chronique en 4 mesures ça implique à jeter son venin dans le substrat de ton hip-hop chimique. Jette son dévolu, jure, fidélité sûre. Un hip-hop absolu aux lettres d'or pur. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. Insalubles sont les décisions, alors les décibels augmentent dans nos rues. Sans compromission, la lutte se fait. Quand le flou domine notre air, le peuple répond à leurs mensonges par la colère. Le décor se dégrade, on n'a pas le choix, aller voter. Prise de conscience énorme quand il s'agit de s'exprimer. Fais valoir tes droits, les enferme pas dans un tiroir. Prends les mesures requises avant qu'il soit trop tard. On peut pas leur faire confiance, c'est sur nous-mêmes qu'il faut compter. Avec leur fausse emporte, tous mes espoirs sont estompés. Ils ont tous les pouvoirs, y compris nous censurer. J'ai qu'à me surprendre que mes mots sont mesurés. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. 1 pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop. Pop pop pop pop. Un pour l'info, 2 commando, à 3 sur le micro ça fait pop pop pop pop. Vrai contre faux, la vérité des mots, en 4 sur ça fait pop pop pop pop.